Je n'ai jamais pris le temps, c'est bête. J'aurais dû peut-être ouvrir mes fenêtres et laisser entrer la lumière de ton être. Je n'ai jamais pris le temps de t'envoyer quelques mots d'amour sur un bout de papier. Il faudra peut-être enfin sortir de ma tête ces instants gâchés dont il me reste une tête. Sans personne qui m'appartient, parfois j'ai du mal à vouloir aller plus loin.